bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour. Merci d'être là. Nous en sommes, je crois bien, si je ne me suis pas trompé dans les calculs, à la 799e. Voilà. Et dans cette 799e, figurez-vous que j'ai un manque d'inspiration. Oui. Eh oui, ça peut arriver. Alors, pour retrouver un peu mes esprits, j'ai appelé Hubert. Connaissez Hubert Ledan ? Oui, connaissez Hubert. Il fait une émission également sur notre antenne, le dimanche matin et le vendredi matin. Et puis je lui ai dit, écoute Hubert, voilà, j'ai pas d'inspiration pour cette 799e. Alors, conseille-moi. Il m'a dit, il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus simple. Je vais te concocter un petit programme où tu verras, on retrouvera... Ah oui. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, ah oui, je comprends. On retrouvera que des vieilleries. Bon, alors, je me suis dit, ben, écoute, allons-y pour les vieilleries. De toute façon, ça nous rajeunera. Ah, on deviendra plus jeune. Voilà, c'est mieux à le dire comme ça. Hein? Peut-être, parce que l'âge est là, de toute manière. Mais bon, attention. Hein? Comme qui dirait l'autre, on arrive encore à marcher droit. Bon, allez, on arrête de parler et on va commencer tout de suite. Avec ce programme qui nous est concocté donc par Hubert et par Arlette. Et d'ailleurs, c'est Arlette qui va commencer. Oui, c'est parti. Et d'illusion, il vient pour acheter quelques roses en bouton. La fleuriste est jolie, perdue dans ses printemps. Il n'est pas sûr de lui quand il dit gentiment: donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elles les aiment tant. Le jeune homme est venu la voir tous les samedis, et puis bien plus souvent tous les après-midi. La fleuriste à présent connaît tous ses secrets, mais elle ne sait jamais vers qui va ce bouquet. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elles les aiment tant. Un jour, en préparant son éternel bouquet, elle lui dit gentiment: vous savez, je m'en vais. Je me marie demain, je ne vous verrai plus. Mais je vous aime bien, voici des roses en plus.

sur le 91 et sur le 102.5. Sur la plage de Solenzara, nous nous sommes rencontrés. Un pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solenzara, chaque soir on a dansé. Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais, je ne t'ai plus quitté. À Solenzara, occhi dolce felicità. À Solenzara, più ben non si può star. Quand j'entends la mélodie qui m'a donné tant de joie, je sais que cette nuit-là, notre amour a pris sa vie au cœur de Solenzara. Solenza, j'y reviendrai tous les étés. À Solenza, più ben non si può star. Petit voyage de quelques minutes, très exactement 2 minutes 39 pour être très très très exact, du côté de l'île Rousse, pourquoi pas. Pour ma rêverie, tout, tout.

chansons de toujours, les chansons de toujours sont éternelles. On ne les oublie jamais. Elle nous parle de pays, de ruisseaux, de fontaines. Parfois nous raconte aussi des amants qui se promènent. Leurs sujets favoris sont les jardins fleuris, le soleil, les étoiles et la lune pâlie. Quand on chante les mots, jamais on ne les oublie. Souvenirs de la vie, mais aussi. Elle nous parle souvent d'amour, d'amitié, de joie, de peine, sans nous faire de trop longs discours, racontant ce qu'on aime, tout comme ces joyeux troubadours, parcourant les monts et les plaines. Elle nous emmène faire un tour, les chansons de leur patrie. Tous les soldats se rabâchent les refrains qu'ils ont appris pour calmer leurs angoisses et pour être entendus. Tous les gens de la rue à grands coups de chansons bien souvent revendiquent. Quand le soir est venu, s'ils n'ont rien obtenu, se consolent avec de la musique. Elle nous parle souvent d'amitié, de joie, de peine, sans nous faire de trop longs discours, racontant ce qu'on aime, tout comme ces joyeux troubadours, parcourant les monts et les plaines. Elle nous emmène faire un tour, les chansons de cadence, sans leur faire de trop longs discours, commence une romance, tout comme ces joyeux troubadours. Dans leur voyage au long cours, elles nous emmènent faire un tour, les chansons de toujours. Elles nous emmènent faire un tour, les chansons de vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Et oui, on le sait bien, toutes les chansons ont une histoire. Toutes, sans exception, même celles qui sont mal écrites. Ce n'est pas le cas, là. Un souvenir perdu qui soudain vous ramène. Un accord oublié en fera la rengaine. Une douce romance pour séduire sa belle et lui faire un poème pour lui dire qu'on l'aime. Quelques notes qu'on accroche en grattant sa guitare. Une blonde de croche et le swing redémarre. Toutes les chansons ont une histoire, une histoire d'amour. Chansons à rire, chansons à boire, une histoire. Un jour,

3 minutes et demie à sa façon. Le temps qui passe, jamais n'efface les souvenirs de vos jours passés. Folle jeunesse, toi qui nous laissais tant de tendresse et de va pas s'en tirer comme ça, hein, il va pas s'en tirer comme ça, hein, Rulio. Eh oui, Rulio, il va nous en chanter une autre. Ah oui, oui, oui, promis, juré, ça y est, c'est parti. Une chanson que mes frères donnaient, l'automne, les taches rouges de septembre, ma chambre, une dernière cigarette, peut-être, et puis je vais aller dormir. Je pense à tous les solitaires sur terre qui vont éteindre la lumière pour faire l'aller retour, la ville de rêve. Je lève mon verre à l'air prochain sourire. Un jour tu ris, un jour tu pleures,

caduta dal cielo, mandata, mandata da Dio. L'harmonica, que le piano à bretelles est périmé. Pas du tout. L'accordéon a encore des beaux jours devant lui. Je vous le prédis. Per quello che ha lasciato felice sarà il suo pianto. Belle chanson dédiée à l'amour qu'on peut porter à sa maman, parce que les mamans, je le dis souvent, la maman, il n'y en a qu'une, et c'est la merveille pour toutes et tous à qui cette maman apporte le bonheur. Non. Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te.

Voilà, c'est avec cette musique, le générique, que l'on se quitte pour mieux nous retrouver très très bientôt sur le 91. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse. Et vous les femmes, je vous embrasse partout, partout, partout, partout.